planète rap. Julius Black, au spot te respecte. Je passerai la grosse tête, j'écris vers les stacks. Tu me fais le mec des states, mais tu parles à mon face. Wesh le cause, là je tabasse, je dis pas que je le boss, mais je les baisse. Maman mia, je suis comme la braise. Encore un planète rap, je vous agresse. Ferme ta putain de gueule en habillé. La zone en personne t'a traumatise. Pour moi c'est doré de platine, à la vie à la mort, ouais pour ma team. J'en ai avec mes lunettes, putain je fais tomber ma fumette. Dis là tu respectes des folles, respecte celle qui t'a vu net. J'en ai assez, je veux ma fumeur. Tu sais bâtard, ils m'ont vu mort. Et si y'a bagarre dans le fumeur, ça te fume même si mon fumeur. Je me fous casse la tête, sans la patate quand je rapplique. Je fais un grognage quand j'allume le pet. La gorge et le nez ça pique. Nique-toi de là, nique-toi de là. Ça m'a blessé mais j'ai le dollar. Alors j'écris, je suis en colère. Ça m'a zappé pour des dollars. Medic, medic, bro, sorti le fédé, volé, délé, oh my, j'fais des, mada, couva, béné, love me, bien, gage, j'fais des, gêné, chulé, chulé, j'fais t'enchaîner, j'aime faire gêné, ce n'est pas mêlé, avant, j'arrive, fais les, scellé, décompressé les gars, c'est technique efficace, fais gaffe, les flics passent, les petits casses, c'est une joule dédicace, faut finir à l'hôtel avec 10 tasses, des bandits d'os, comme la vitesse, pas trop politesse, plutôt shit, cesse, leur humeur faut qu'ils cessent, chasse la qui cesse, c'est la crise, j't'ai fait le trait, fais plus la bise, tu vois, ce qui me fait plus la bise, sauf que monde fait plus la bise, les poussettes, c'est réel, qu'on n'allait pas dire que j'ai dramatise. Et les problèmes tout dans la tise, la tête elle est armée dans les bises, la ligne de bise, j'ai dû chiter un petit couteau, j'ai la poche, j'suis dégoûté, ce qui suivent, c'est les moutons, et ceux qui marchent à côté, je l'étonne peut-être plus, mais depuis le temps, je me la pète pas, jamais, j'fais pas le pète plus, quand j'rappe, j'm'arrête plus, j'peux te faire des heures d'impro sous votre carré de bulle, je respecte tout le monde, de celui qui vend le shit, à celle qui taffe tous les soirs devant l'arrêt de but, j'arrête un peu, j'suis plus de peu, devant le but, je ne rappe peu, qui t'a dit que je rappe pas, moi c'est popo, ouais, j'tape pas, t'as plein de bobos, ouais, c'est pépé, y'en pop off, oh les mains, j'vous prate, c'est hold up, tout le monde à terre, c'est hold up, ouais, alors c'est quoi les bails, si ça se nique pour de la maille, tout le monde déguste quand j'prends le mic, quand ça me suit trop, j'pars un oeil, oh là là, oh là là, j'suis resté le même sur ma vie, oh là là, oh là là, j'parle pas les mines, mon ami, oh là là, oh là là, y'a un bruit, on s'organise, oh là là. C'est dans Audi Gris, j'dis que monsieur a un nom bibi, mon permis, j'dois faire pipi. Tu veux ma vie, t'auras City, pour toi, ça sera la mort du tu. Dis-moi combien de boules tu tiens, j'te dirai qui t'es. Dis-moi combien de gens tu coupes, j'te dirai telle amitié. Serre-moi un verre corse, j'veux dire que trois mains corse. La gadis, c'est un morceau, m'a fait le fin d'oule, j'ai divers. Tu rentres en stun, t'as percé, dans la fosse, la garce. Tout est sur mon berce, on m'a dit d'oule, t'as percé. Arrêtez de dire que j'étais mieux avant, vous me cassez les couilles. Le fils de, t'as reconnu. Sous la cagoule, c'est dur. Mate les lives exclusifs de Point Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.